Ben ici au Québec, on a le Parti communiste, là, Québec solidaire. Eux autres, ils voulaient taxer tous les gens qui ont tant de. Imaginez tous les cultivateurs. Ils étaient vus comme des super riches. C'est pas parce que tu as une ferme qui vaut 1,5 million que c'est comme si tu avais ce cash-là à la banque. C'est pas de même, ça marche. Maudite crise de tabarnak, que j'en ai plein le cul de des hosties de cave de crise qui ont étudié en sciences sociales par des hosties de niaiseries, que crise, c'est du pelletage de nuages, hosties, puis eux autres, ils décident qui a de la valeur puis qui n'a pas, puis ils comprennent à rien, puis ils savent à rien. C'est de l'ouvrage une terre. C'est pas des riches. Bon, en tout cas.